La conférence nationale ne doit en aucun cas être érigée par personne en un tribunal quelconque animé de joutes oratoires, d'infectives et de récriminations stériles. Ce que le peuple béninois attend de vous, ce n'est pas la victoire d'un groupe sur un autre, mais la convergence des idées en vue d'une plateforme politique consensuelle. Il s'agira d'élaborer et d'adopter une charte d'union nationale pour le renouveau démocratique. Cette charte servira de document de base pour l'élaboration d'une nouvelle constitution à soumettre à l'approbation du peuple béninois tout entier. À Cotonou, pour couvrir ces journées historiques, Christophe Boisbouvier de RFI.